Chapitre 11e, Monsieur Pointre. Quand le préfet avait entendu de Toto le récit de cette étonnante aventure, il n'avait pas dissimulé que, tout en rendant hommage au dévouement et à l'honnêteté de son secrétaire et ami, il l'eût volontiers envoyé au diable pour lui avoir révélé ce tragique imbroglio. Donc, il y avait un assassin puni depuis 7 ans, et cet assassin était l'alter ego d'un homme dont le nom était sur toutes les lèvres, qui avait une réputation mondiale, qui avait rendu à la science française des services inoubliables. Et ce collaborateur de toutes les heures, il fallait l'arrêter, le traduire en cour d'assises, réveiller une affaire totalement oubliée et dont le scandale serait d'autant plus retentissant que le renom de M. Boisselin était plus grand. Pourtant, le doute était impossible. Malvat avait tout avoué. Le gredin ne s'était-il pas imaginé que s'il ne parlait pas, on ne lui donnerait pas de soins? Et il avait grand-peur de mourir. Madame Mullard, elle aussi, avait réitéré ses aveux. L'affaire devenait d'une clarté indiscutable. Le misérable Pointre ne pouvait rester impuni. « Pointre n'est pas un misérable, » dit Toto. « Quoi? Vous défendez cet homme qui a voulu vous assassiner? Je répète que cet homme n'est pas un bandit, vulgaire. Voulez-vous en avoir la preuve, monsieur le préfet? Allons ensemble chez monsieur Boisselin. Quoi? Vous voulez me... Mais c'est me compromettre personnellement. J'ai ma responsabilité à sauvegarder devant le parquet, devant la justice. Je vous jure que votre responsabilité sera à couvert. » Il convainquit monsieur Larose, et 2 heures après, l'auto de monsieur le préfet s'arrêtait devant l'Institut Boisselin. Des agents se promenaient au coin de la rue Saint-Jacques, prêts à intervenir en cas de besoin. Tous deux passèrent par le bureau de M. Pointre, qui reconnut Toto et pâlit horriblement. « Veuillez nous introduire immédiatement auprès de votre maître, » lui dit le préfet. « Allez !» Les yeux de M. Pointre étaient hagards. Il croyait si bien que Toto était mort. Et cependant, il n'avait pas reçu de nouvelles de Malvat. Il se leva, sortit, les deux hommes le suivant de près. D'abord, il s'était courbé comme sous le poids de la fatalité qu'il devinait prête à fondre sur lui. Puis peu à peu il s'était redressé, et ce fut la tête haute, le regard clair, qu'il dit à Boisselin. « Maître, ces deux messieurs ont à vous parler. » La scène se passait dans le laboratoire du chimiste. Vêtu d'une longue blouse blanche, il était plié sur un microscope. Il alla au visiteur. « Je suis le préfet de police, » dit M. Larose, accompagné de M. Fouinard, mon secrétaire. « Le préfet de police, » fit Boisselin un peu interloqué. « Je suis heureux de l'honneur, mais je ne comprends pas. »« Monsieur Fouinard va vous exposer l'objet de notre visite. Nous faisons ici une démarche pénible, mais que notre devoir nous impose. Je vous écoute, messieurs. » Lentement, d'un accent presque solennel, Fouinard rappela l'assassinat de Madame Boisselin, l'arrestation de Sordet, les témoignages écrasants qui avaient motivé sa condamnation, puis il ajouta. « Cet homme, qui est passé 7 ans en bagne et qui est mort en tentant de s'évader, était innocent. Nous en avons les preuves absolues. Les deux témoins, qui ont déterminé le verdict du jury, avaient été soudoyés, payés par le véritable assassin. Ces deux coupables ont avoué, et la sincérité de leur déclaration ne peut être mise en doute. « Et ce malheureux est resté 7 ans en bagne ?» s'écria Boisselin. « Oh, le martyr !» Quel était donc l'homme qui avait commis cet acte infâme d'ajouter un second assassinat au premier? Quel était ce criminel? Monsieur Pointre fit un pas en avant et dit « Maître, c'est moi. Vous »« Vous ?»« Vous ?» s'écria le chimiste. « C'est impossible. »« Ne l'écoutez pas, messieurs. Monsieur Pointre est le plus honnête, le plus dévoué, le meilleur des hommes. Laissez-moi parler, mon maître vénéré. C'est moi qui ai assassiné Madame Boisselin, moi. » qui m'étant échappé du laboratoire de la rue de la Vieille Estrapade, pendant que vous étiez absorbé dans vos méditations, et regagné la rue Pouchet, puis survenu à temps pour vous retrouver à 2 heures. Puis, pour que l'affaire fût rapidement terminée, c'est moi qui ai payé 2 faux témoins. Oui, je sais que je suis perdu. Je le savais depuis le jour où M. Fouinard a mis le pied dans la maison. J'ai encore essayé de me défendre. J'ai tenté de le faire assassiner. Mais vous êtes un monstre ! S'écria Boisselin qui était tombé sur une chaise, la tête entre ses mains. « Vous avez raison. Je veux cependant vous dire pourquoi j'ai fait cela. Monsieur Boisselin, rappelez-vous l'existence atroce que vous meniez auprès de votre femme. Vous vouliez chercher, travailler. Il vous fallait des appareils, des produits coûteux. Elle vous laissait sans un sou. Vous refusez un écu pour le moindre achat de substances chimiques. Vous travaillez, nous travaillons, dans un réduit sans air, sans lumière, sans feu. Alors je me suis dit que l'intérêt de la science est supérieur à tout, que vous étiez sur la trace des plus grandes découvertes et que, faute d'argent, elle resterait à jamais irréalisée. Alors j'ai assassiné Madame Boisselin pour que vous puissiez en hériter. Un cri d'horreur avait interrompu ses aveux cyniques. Laissez-moi achever. Vous avez travaillé, maître, vos rêves admirables ont pris corps et, par votre dernière découverte, vous régénérez l'industrie française, vous diminuerez la souffrance, vous augmenterez le bien-être en distribuant à tous, à des conditions inespérables jusqu'ici, la chaleur, la lumière et la force motrice. Je dis vrai, c'est pour ces résultats que j'ai été criminel, j'avoue. Je n'ai rien demandé ni pris pour moi-même. J'ai vécu simplement dans la joie du travail et de vos succès. J'ai accompli la tâche que je m'étais imposée. Je savais bien qu'un jour viendrait où je paierais l'horrible dette que j'avais contractée. L'échéance est venue. Je suis prêt à m'acquitter. Mais maître, je vous supplie. Non que je demande pardon qu'il ne m'ait pas dû. Je voudrais simplement savoir que vous m'avez compris. Boisselin s'était levé. Par un mouvement instinctif, il tendait la main au malheureux qu'il avait tant aimé, jusqu'au crime. Mes pointes avaient fait un pas en arrière, et relevant cette main que peut-être son maître allait serrer, il la porta à ses lèvres. Et de toute sa hauteur tomba foudroyé. Il s'était empoisonné avec de la strychnine. Malva mourut quelques jours après d'un transport au cerveau. Quant à Madame Mullard, le second faux témoin, on lui donna une place dans un asile d'enfants où elle se dévoua, maternellement, en souvenir de son petit. Mais sordait le malheureux innocent. Et il n'était pas mort. Il avait erré à travers le monde et enfin, après avoir subi toutes les souffrances, toutes les misères, il était rentré en France. Il parcourait les routes en chantant des cantiques sociaux et en prêchant la fraternité humaine. Il fut reconnu et arrêté. Mais alors on s'aperçut qu'il était fou. Il est encore à Villévrard, méritant plus que jamais son nom de forçat martyr. De cette triste aventure, Fouinard restait triste. Parfois, il se reprochait d'avoir servi de tragique auxiliaire à la fatalité. Pour lui rendre son équilibre, il ne fallut rien moins que les terribles dangers qu'il courut dans la formidable affaire des 13 Apaches. Et c'est ainsi que s'achève le forçat martyr. Une enquête de Toto Fouinard, le petit détective parisien, de Jules d'Hermina.